L'Association de la culture italo-coréenne a publié le 12 une déclaration et le coordinateur de l'Organisation des communistes italiens un entretien pour féliciter le président du Parti travail de Corée, Kim Jong-un.